France 3, Brésil 0, par Lucien Méronin. Tu pouvais rien contre ça, rien. Zidane en a collé deux au fond des filets, de la tête, et put y enfoncer le clou d'une pitchounette mortelle. Après, la caméra nous a fait un gros plan sur Chirac, les bras levés, un sourire fendu jusqu'aux oreilles, et 10 points de mieux dans les sondages. Avec les potes, on a sorti le grand jeu. Des pétards lancés sur la pelouse du voisin, une bordée à Saint-Malo intramuros, les klaxons et l'avalanche de bière. Dans ces moments-là, on se sent tous frères. Un peu après, il est tombé une petite pluie fine, comme un crachat dans la soupe. Mais elle ne nous gênait pas. Il aurait pu tomber de la bouse de vache. Nous étions champions du monde. Le lendemain matin, au réveil, je tombe sur un article d'Eric Holder, à la rubrique à votre guise de la quinzaine littéraire, et je commence à lire. Nous nous étions rencontrés à la bibliothèque de Dinan, lors d'une de ces manifestations où l'on vous invite à parler de vos livres. Ensuite, Holder racontait comment il avait sympathisé avec un participant qu'il surnommait Marcel, la connivence qui s'était établie entre eux pour échapper aux organisateurs de l'événement. Il parlait bien, Holder, du livre qui fait œuvre de partage, et de Marcel, dont il enviait la culture autant que les bitures, le cabotage sur les côtes bretonnes et les engelures aux mains. J'ai encore sommeil et la gueule raide. Mais je n'arrive pas à me détacher du texte car il me revient à l'esprit une histoire semblable, un jour de rencontre autour du livre. Si je n'ai pas un souvenir exact de l'événement, mon ordinateur, lui, n'aura rien oublié. Normal, la mémoire, c'est sa fonction. J'appuie sur une touche, et me revoilà revenu 5 années en arrière. Je découvre un récit plutôt banal mais fidèle, comme il convient d'attendre d'un ordinateur. L'auteur et le lecteur bavardent tout en grignotant des biscuits apéritifs. On parle bouquin, bien sûr, et 20 minutes plus tard, on se quitte. On ne se reverra plus. Qu'est-ce donc qui faisait la différence entre le souvenir d'Eric Holder, fourmi en 2000 détails empreints de romanesque, et mon piètre, mais cependant précis témoignage? J'ai relu son article et c'est alors que j'ai compris. J'ai compris qu'être écrivain, c'est d'avoir un don d'alchimiste. C'est pouvoir transformer le merle en grive, un arbre mort en sculpture antique, le vent du sud en musique berbère et le pinard en nectar. J'ai surtout compris que c'était lui, Holder, l'écrivain. Je l'ai relu encore et encore et, plus je le relisais, plus j'étais émerveillé. Et je me pris moi aussi à envier ce Marcel devenu un personnage de légende par la magie du verbe, un héros magnifique, un type qui affrontait les colères d'une mère arrogante, droit sur ses jambes, un être d'exception, qui écrivait des biographies, picolait du vin rouge au goulot et fréquentait les bibliothèques municipales entre 2 séjours à la santé. Les Zidane et autres Deschamps pouvaient se rhabiller. J'en pinçais pour Marcel. Plus humain, mieux à ma pogne. J'essayais de m'identifier à lui, d'ajouter encore à ses exploits fabuleux. Je me disais que ce mec, il avait dû lire Goethe et Cervantes dans le texte, tutoyer Mérine et tracer une route nouvelle entre Bédarieux et Luchon. Peut-être même que le matin, il sortait de chez lui sans chaussettes. Un aventurier, quoi, un vrai de vrai, comme il n'en existe plus guère que dans les bandes dessinées. Pour un peu, je leur ai demandé un autographe à Marcel. Passé les relents de bière, je me suis dit « Allez où ?» Quand on écrit dans une rubrique intitulée à votre guise, on aurait bientôt de s'en priver. Puis j'ai bu un café noir et je suis resté immobile, longtemps, le nez au plafond, à rêver que moi aussi un jour, quand je serai grand, quand j'aurai appris à me servir d'une baguette magique, je deviendrai écrivain. Je replins de jolis mots laqués à ma disposition pour repeindre la vie. En bleu, par exemple. Salut, Holder. Salut. Lucien Méronin.